Comme je vous disais, il est 6h. Non, nous sommes le 6 décembre 2013 et il est 21h20. Bienvenue. Nous allons tenter de vous rendre la vie désagréable pour encore quelques années à venir. Encore une fois, vous êtes les malvenus. Allez crever en enfer. Vous avez très bien compris. Mourrez en enfer. Et pour l'éternité, dans les siècles et les siècles, merci beaucoup. En parlant de Fion, justement, j'ai affaire So suddenly I was thinking, what the fuck am I doing here, what the hell is happening, and I don't give a damn, and it's just going on and won't ever stop, and who cares anyway? So like the guy's telling me, fuck you motherfucker, you deserve to die, and you stink, you pukey ass fucking cunt motherfucking 15, pussy wife fuck, 08. And like the guy is like, is fucking my asshole the whole time, and I don't give a fuck, shit. So I'm just like saying shit and stuff like that, you know? 18h40. And so, like, when I'm saying this, all this this kind of crappy, crappy, stupid shit and stuff, you know, meaning like it's meaningless, and I must be fully, fully headed against the trippy wall of a shitty place, a shitty, stinky, putrid, disgusting little fucking sticky place, you know, like rot and pus and cum everywhere, you know. So like the whole time the fucking guy is like motherfucking lisping my asshole, cunt whisping, and like I'm whipping the fucking head up and it's just going down, you know. And like, so like we're going down and the whole time it's just going head up in the whole down fucking thing, you know. It's all kind of shitty and sticky up there. And the kind of time I was whispering down the languid lane of a path never ruptured by insanities and insanities, I should say. And like this disruptive sun reactions, sub reactions, I should say, yeah, sub reaction. So this guy's like telling me, you're like a sub reaction, you know? And I'm like, what do you mean? And he says, you're a cunt full of pussy ass wiping fucking cunt pussy fucking wiping ass cunt fucking. And I'm like, yeah, it's true. And like the guy is like telling me, you know, you fucking cunt pussy, I wipe you like a fucking cunt on the fucking cum pussy wipe ass shit and on all the dick pussy wad and lisping against the pussy wipe and wiping the handkerchief off your dick with cum and jism, you know? You know what I mean? Constamment, And so the whole fucking time, the guy's like telling me, are you gonna do it or not? You know, and I'm like, fuck you, I don't give a fuck, you know, anyway, who cares anyway? I mean, if I do it or if I don't do it, it's not gonna change much, you know. So I'm like, what the fuck, you know? Okay, and so like the guy is telling me, I'm telling him like, what the fuck? And he says like, what the fuck are you saying to me? And I'm like, yeah, it's cool. And every time, the whole fucking single time, you know, it happened, every single fucking time it happened, I mean, it's like it was fucking away, you know, fucking away, just down the whole fucking time, up your ass, I mean mine. And of course it was full of cum and jism, you know, cum and jism, like the same thing, but it's not exactly the same thing, it's not the same word, you know. And so like the whole fucking time the guy is telling me, well, cum in my face, you know, cum in my ass or something like that, you know. I didn't really get what you're saying. So I send him a package, you know, up the ass, the whole way down to the mouth, from the titties, up the ass once more time, and against the balls, you know. And it's like it's never gonna stop, you know. It's never gonna stop, you know. It's never gonna stop. That's what it's all about. So, alors le mec il me dit ouais d'accord, et moi je suis là ouais c'est vrai, ça va jamais s'arrêter. Mais non, et le mec il me dit non, c'est clair, t'as raison. Et en fait, est-ce que t'as vu? Non, et la dernière fois c'était pareil. Donc en fait, c'est là où le foutre ça se place. Ça se place en travers de quoi? En travers de la gorge. Parce que justement c'est la glotte. Le foutre et la glotte ont tout à voir ensemble. En fait, la seule chose qui n'est pas irrationnelle dans l'irrationnel subréaction, donc que je parlais tout à l'heure, la sous-réaction en fait. C'est quoi la sous-réaction? C'est une sous-humanité quoi. C'est une sous-humanité la sous-réaction. C'est quelqu'un de sous-lent quoi, ou de saoulé quoi, ou de sous quelque chose quoi, tu vois, de sous la table. Il passe sous la table et en fait qu'est-ce qu'il fait ce mec là quand il est sous la table? Mais tout le monde le sait. Cette personne là qui est sous la table, on sait ce qu'elle fait et on sait ce qui se passe à la personne assise au-dessus de la table, je veux dire, sur une chaise, sur la table, assise sur la table, sur une chaise, la personne assise sur la table, sur une chaise, on sait ce qui lui arrive, elle glisse et elle tombe où? Elle tombe par terre, voilà. Et c'est à ce moment-là que le mec il me dit mais non. Et moi je lui dis mais si, parce que justement c'est quand tu vas tomber, c'est quand le mec il me dit ouais. Et alors je lui dis non, il n'y a pas moyen. Et pourtant le mec il fait quoi? Il tombe. Alors c'est là qu'on se rend compte en se regardant que finalement il n'y a pas de réaction. Donc en fait il n'y a pas de sous-réaction puisqu'il n'y a pas de réaction au départ. Donc on va pas dire qu'il y a une sur-réaction, une hyper-réaction ou une sous-réaction ou peut-être une under-reaction, something like that, that kind of shit, you know. And it's like, no, it's not gonna stop. And like the guy is like saying the whole fucking time, he's telling me non, il n'y a pas moyen. Et moi, je lui dis non. C'est bien sûr qu'il n'y a pas moyen, mais on s'en fout. Ça compte pas. C'est qu'une connerie. C'est pas vrai. On se ment. Non. Enfin. Quelle blasphème à toi, envie. C'est pas vrai que Dieu dit allez-y, droguez-vous. Même qu'il ne dit pas ça. Même que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit. Ça veut juste dire allez-y. Mais gars, on va pas finir tops comme tous les prophètes. Alors le mec avec sa sous-réaction d'être quoi, je veux dire, le mec quoi, tu vois. Et ben le mec il me dit non, et moi je lui dis mais oui c'est vrai, et c'est ça qu'il veut dire en fait, le mec, quand il me regarde de travers comme ça, avec les tergiversations et les vergetures, hein, tu vois, les vergetures, les escarres dans le lit, avec le pu et le foutre aussi, plein le lit quoi, avec le sang, plein de sang menstruel aussi, les menstrues, ouais, parlons-en des menstrues. Et ben non, le corps c'est pas ça, c'est pas les menstrues le corps c'est autre chose, le corps c'est quelque chose de plein et de vide à la fois, tu sais, quand ça se vide, quand ça fait caca par exemple, ben c'est vide à l'intérieur. Une fois que c'est plein, je veux dire. Ça veut donc signifier que je suis affectiotox. Pas d'accord, je viens. Et puis ça craint. On va dire que c'est acceptable. Salut, ça va? Non, je suis en manque d'affection. Ah bon? Tox, toi, le pain? Non, ouais, tu es en fait. C'est quoi l'objet d'affection? C'est genre tu trembles, tu sues, tu pues, tu te la pues. Et c'est au moins précis que le mec il me disait non, que je lui ai dit ben oui, ben c'est bien ça. Et la meuf c'était pareil en fait, la même discussion mais en parallèle. Et donc, so that's like the exact fucking time I was like lisping against the wind and I was hitting my fist against the ram jamming the bucket door on a butt fucking asshole fucking cunt, you know. And like, c'est pas comme si ça voulait dire quelque chose quoi, je veux dire. C'est pas comme si ça avait un sens quoi, je veux dire. C'est pas comme si c'était comme ça ou ça changerait pas ou quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme si non quoi, c'est pas comme si oui, c'est pas comme ça. Il manque que le fric, mais c'est pas grave, non c'est pas grave. Et donc alors, moi je lui dis non, et y'a pas moyen, et lui il me dit si, et pourtant non, c'est toujours la même chose. Alors c'est en lui disant oui justement que je me suis rendu compte qu'en fait c'était jamais la même chose. bouteille est brouillon. C'est toujours différent. Oui, je t'écris pour te dire. Quand le mec il bégaye dans ta face, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis merde? Tu lui dis va te faire enculer, bâtard, fils de merde, fils de chien, fils de rien, fils de rut. C'est à ce moment-là que tu lui dis ça? Et c'est qui le bâtard dans ce cas? C'est qui le fils de rut? C'est qui? Comme s'il y avait pas déjà l'enfant du rut. C'est qui? Hein? C'est nous? C'est nous les enfants du rut? Maintenant, je me sens mal. Alors, allez. Nous ne sommes certainement pas les enfants du coït anal. Non. Et je m'y connais. Nous sommes peut-être dus à un coït, mais il n'est pas anal, c'est sûr. J'ai vérifié. J'ai mis la main au fond du trou pour vérifier justement ce qu'il y avait au fond. Et il n'y avait rien. Je revenais à la bouche toujours en ressortant par devant. Pourtant, j'étais rentré par derrière. Ils m'ont laissé rentrer par derrière pour que je puisse sortir par devant. J'ai toujours pas compris. En fait, c'est une métaphore. Ça veut dire que je m'encule. Et quand je dis sodomie, je voulais bien sûr parler d'autodestruction, auto-annihilation, désagrégence, auto-promue. Y a pas moyen. Alors dépouillé, ça devient dépouillé et carrément débile comme histoire. Et en plus, je me souviens plus de ce que je voulais dire. Si je voulais dire non, je le sens plus. Ça. Il est 21h30, nous sommes le 6 décembre 2013. Et en plus. Et vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net avec 3W devant. Le téléphone, le 05 61 53 36 95. Comme je vous le disais, il est 21h30 à Toulouse, en France. Sur la planète Terre, espèce de martien de merde, je t'encule. Mars, c'est une planète de foutre. Ouais, les martiens, c'est des merdes. À mort, les martiens. Faut pas qu'ils viennent chez nous, quoi. Ils nous volent notre travail. À mort, Mars. Vive la libération de la Terre. À mort, les martiens. Un bon martien est un martien mort. Un bon humain est un humain vivant. Tous les bons humains sont vivants. Les gens vivants sont des bons humains parce qu'ils sont vivants justement. Et qu'ils sont bons parce qu'ils sont vivants. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à ce moment précis là justement. C'est à ce moment précis où on se rend compte qu'on a perdu la guerre contre Pluton. Jupiter a gagné la guerre. La Terre est morte. En fait, c'est une guerre secrète entre Jupiter et la Terre depuis des années et Jupiter a gagné, on va mourir. C'est ça l'éternité, c'est ça l'infini. Tu comprends? Oui, je t'aime aussi. Welcome to austerity. Bienvenue en austérité. La rigueur. Que la rigueur vive et qu'elle tienne ferme. Que la rigueur tienne. Austérité, ouais, austérité. Allez, austérité. Rigueur, austérité. Rigueur et austérité. Rigueur aussi. Et austérité, ouais, et rigueur. Et l'austérité, et la rigueur. À la rigueur, l'austérité. À la rigueur, un peu d'austérité peut-être. Qui veut un peu d'austérité? Vous en voulez un peu à la rigueur? Mademoiselle? Non, sérieux, tu veux pas de la rigueur? J'en ai plein. Bon, tu préfères de l'austérité alors? sauve tête. Vas-y, baisse-moi plus fort. Je sens rien plus fort. Tiens, je t'enfile gratos d'austérité. Tiens, tiens, tiens, toi aussi, t'en veux aussi. Tiens, d'austérité dans la gueule. Allez, casse-toi. C'est quoi ce bordel innommable? C'est quoi ce bordel innommable? The guy fuck up, and the guy's like telling me, you know what you want, you know what you are, and I'm like, what the fuck are you talking about, you know? I'm like, the guy's like, you know what you are, you know what you want, and I'm like, no, there's no way in hell, go away, Satan, oh my God, no, not you. And the guy's like going, you know what you want, you know what you are, and I'm like, yeah, it's cool, man, it's cool. J'ai décidé d'arrêter l'émission un peu précocement parce que finalement bah, j'en ai rien à foutre en fait. Voilà, ça c'est la vérité. Donc, je voudrais passer à quelque chose d'autre maintenant. Et... bon, ben bah, j'ai décidé, je vais m'enculer maintenant. Ouais, yeah, yeah, wow, yeah, baby. Yeah, yeah, yeah. Harder, harder. I want to be fucked harder. Fuck me harder. Harder still. Vous aurez du temps pourri demain et du temps encore plus pourri après-demain. Le temps de lundi sera de la merde et mardi ce sera encore pire. Mercredi le temps puera et jeudi le temps fouettera la mort. Vendredi prochain une accalmie pour du temps de merde samedi et dimanche pareil. Quelqu'un qui avait appelé, mais il a raccroché quand je lui ai dit que, ben, que c'était une antenne libre et tout ça. Il m'a dit quoi, la liberté, plutôt mourir. Le téléphone, le 05 1 2 3 4 5 6 7 8. Vous pouvez me croire, c'est vraiment le numéro de téléphone, ouais. N'hésitez pas à essayer d'appeler quand même. Peut-être que vous tomberez dessus. Non, sérieusement, le téléphone de Canal Sud, la radio associative à laquelle l'émission Nuisance participe, épisodiquement. Le téléphone de Canal Sud est le 05 61 53 36 95. Je répète, le 05 61 53 36 95. L'adresse, le 40 rue Alfred Duméril au 31 400 Toulouse, France. know, so, like, the guy is covered in cum, and he comes to me, like, all happy and shit, you know, covered in shit and the blood of it, you know? And, like, the guy's telling me, like, what the fuck are you talking about, fuckface, you know? I'm like, what the fuck are you talking about, you fuckface, you know? And I'm like, fuckface, what the fucking face, fucking face, let's face it, fuck, you know? I'm like, what the fucking face, fucking, it's just a fucking thing about it, I'm like, what the fucking... And the guy's like telling me, you guys, just face the fuck, you know, you gotta face the fuck. And I'm like, what the hell are you talking about? You must be insane. Un mec un jour il m'a dit putain tu fais une émission, elle déchire tout et tout, et je lui ai dit ah bon, tu sais, j'étais là, tu trouves? Parce que moi je trouve que c'est vraiment de la merde ce que je fais. Puisqu'il est 9h40 et il est l'heure d'aller se coucher pour les grands enfants que nous sommes, je vais raconter une histoire. Donc, après 21h40, évidemment, ce n'est pas après 22h, donc je vais quand même limiter mon vocabulaire à quelque chose de plus restreint que celui que j'emploie d'habitude. Donc, je vais raconter une histoire d'un trottoir. Il était une fois un trottoir couvert de merde, et le caca coulait le long du trottoir, donc collé au sol. Voilà, c'était une belle histoire d'un trottoir. Voilà, 9h40. Bonne nuit. Bonsoir, vous écoutez toujours Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance, donc avec un S à la fin, entre parenthèses. L'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Nous sommes le 6 décembre 2013. Il est 22h12 sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net sur le net. Welcome to Hell. You are in direction of Hell. Hell is a planet alongside the heaven, and it stinks of shit, and it pukes, and rotten outdoors, and jism, and fuck, and cunt, and pussy wipe, and dick wads everywhere. I can tell they're here. They're hearing me. They're everywhere. Bienvenue en enfer. Sur votre gauche, le paradis. Sur votre droite, les limbes. Il n'y aura rien. Rien pour vous ce soir à manger, ni rien à boire, ni rien à fumer, ni rien de quoi que ce soit. Vous allez mourir pour l'éternité. Pour l'éternité. Non, c'est pas possible, on va devoir s'arrêter là maintenant, c'est trop. C'est trop, pour deux raisons. La première, c'est que j'en ai rien à foutre, il est 10h20, il n'y a plus de censure, c'est fini tout ça. La deuxième raison, que tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire d'un trottoir, à propos d'un trottoir. Un trottoir couvert de merde où ça coulait sur les bords et c'était collant, et c'était collé par terre. Par terre, le trottoir était collé par terre avec de la merde partout, de la merde. Vous imaginez? Si seulement je pouvais savoir ce que je suis en train de raconter et si je pouvais vous expliquer, eh ben là, on comprendrait tout, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on va continuer l'émission tranquillement, sans rien en fait se dire, ni rien comprendre, car bah tout à fait, oui, je suis d'accord avec vous, on s'encule. Thank you. Thank you. Welcome to Nuisances. Nuisances is the show that fucks you in the ass and says thank you. Thank you for being buck fucked, you stupid motherfucker. We'll be right back. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance. Alors c'est un match de foot qui est en direct. Il y a un mec en train de jouer avec un ballon. Il y a le but au fond du court. Et il tape dans le ballon. Ouais, il a raté le but. Quel fils de pute, quel enculé. On l'encule. Cette merde. On va la tuer maintenant. On la prend par les pieds. Il va crever, il y a du sang qui coule par les oreilles. Il est mort. Il est mort, le soleil. Quand tu m'as quitté, il est mort. D'espérer l'amour, le soleil, c'est pareil. Il est mort, le soleil. disant c'est une émission à tendance brutiste, brutiste comme le bruit, donc allez vous faire foutre. Je suis sur le point de vous fionter l'anus avec un esprit mal avisé. Bienvenue. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. S'encule soi-même. C'est pas du non-sens ça. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un P, un P anal, ça flatule, un P anal, ça flatule. Alors on va aborder un sujet très important. Je trouve que c'est important de parler Ouais, c'est super important. De parler, je veux dire. Je crois que vous avez à peu près compris que ce soir c'est Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, qui s'enculent soi-même comme d'habitude. Bleh. Et donc comme à son habitude, donc Nuisance s'enculent soi-même. Bleh. Et donc en parlant d'encul, et ben Nuisance s'encule. Bleh. Et vous encule peut-être aussi si vous aimez ça. Si vous aimez pas ça, Nuisance ne vous encule pas, parce que voilà, quoi, c'est ça la démocratie. L'arrêt public de mon cul. L'arrêt public de mon cul, je veux dire l'arrêt de mon cul public. L'arrêt de mon cul est public ce soir dans Nuisance, une fois par semaine, Nuisance de 21h à 23h, le vendredi sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, téléphone le 05 61 53 36 95, Nuisance, what a fucking nuisance, what a fucking useless nuisance, quelle nuisance inutile. Quelle absence de nuisance véritable dans ce monde. Il nous manque quelque chose, il nous manque la vraie nuisance. Celle qui nous fait mourir. La vie. À mort la vie. Vive nuisance. Yeah, welcome, Canal Sud, .net, Canal Sud, 92.2FM, chez Nijan, c'est l'émission qui vous encule et qui s'encule soi-même. Dans le cul, le fion, la merde, il est passé 23h, il est même 23h passé de 13 minutes et nuisance, le fion, l'encule, la sodomie anale, la merde, la purulence, la pustulance, les abcès, tout ça quoi. C'est pour vous, je vous l'offre, je vous le rends. Tenez, prenez-le et mangez-le, le pu, le foutre, le sang menstruel, la merde, mangez-les. Mangez-les toutes et tous. Thank you. I cannot hear you. I do not give a fuck what you think. I hope you die in horrible pain. Ce qui veut dire en français, je vous aime tous, l'amour c'est beau, la vie est belle, aimons-nous les uns les autres, et voilà, c'est ça la définition de ce que Nuisance représente pour l'humanité, quoi. Nuisance représente l'amour, l'amour éternel et sempiternel, l'amour cosmique et moins un peu, tu vois, mytho-cosmique, tu vois, genre le truc et tout qui s'arrête. Mais par contre, ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est pas ça en fait. Non, c'est pas ça en fait. Ce qui est important, c'est autre chose. C'est plutôt un truc genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois ce que je veux dire? That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. This is good. This is the good shit. It's for you. the whispering wandering of the lisping being is just continuing the whole way. It will not end until the being dies, and this is said, you be dead. We have not known what we know now, and we'll never know what we'll never know, because we don't give a fuck, and anyway, who cares? I mean, that's what the whole point is fucking about, you know, it's like you go up, you go down, you just die. It's a whole thing to it, you know, you just die, you die, you know what I mean? You die. That's the good thing about it, because one day, it's over. One day, it's finished. One day, it just ends. It ends in horrible pain. Good punishment for all the stupid shit you've done, all the crappy full-headedness of a twisted, glorious, fat, ankled motherfucker, you know what I mean? So like I was saying, you know, you're listening to Nuisances, what a fucking nuisance, you know? It's on Canal Sud, 92.2 FM, 92.2 on your FM dial, except you're not in France, you stupid motherfuckers. You're in the States, or you're in Japan, or you're nowhere. I don't give a fuck. I hope you die in horrible, languished pain. Pain, motherfuckers, pain. Yeah, that's what it's all about, you know? And like, vous écoutez Canal Sud, 92.2 FM, ou canalsud.net, le téléphone, le 05 61 53 36 95, une adresse, le 40 rue Alfred Duméril, au 31400 Toulouse, France. Ah, mais c'est ça, c'est nuisance. Thank you. Bonsoir. Excuse-moi, je t'ai interrompu. C'était pour dire que vous écoutiez Canal Sud. Tu peux peut-être finir la phrase d'ailleurs, ça m'arrangerait parce qu'au bout de 36 fois dans la soirée, on commence à en avoir marre, tu vois ce que je veux dire, quoi. Vous êtes sur Canal Sud 92.2, hein. C'est toujours la même chose. C'est ça, ça n'a pas changé. Fréquence mégahertz. Et le numéro de téléphone est bien le 05 61 53 36 95, si mon regard flou ne trompe pas les nombres. Ils y ont. Et l'adresse, peut-être, tu t'en souviens de l'adresse? L'adresse? Petit bonhomme, 40 rue Alfred Duméril. Ah, 31 400 Toulouse. Ah, oui. Il n'y a plus de radotement au niveau de la verbe. Et que la verge soit toujours aussi. Oui, plutôt, oui. Oui. Oui. Donc, je parlais des plutoniens en début d'émission. Il paraît que les jupitériens et les martiens veulent conquérir la Terre. Et donc, je disais en début d'émission, mort aux martiens, mort aux jupitériens et mort aux plutoniens. Mm-hmm. J'espère qu'ils m'ont entendu, quoi, et qu'ils ont peur, quoi. Les cons viennent d'ailleurs. Ouais, c'est bâtard. Ils nous volent notre travail. Qui rentrent chez eux. Ouais, ils nous prennent notre travail, tu sais. Moi, je peux pas tolérer ça. Par exemple, si je veux faire, par exemple, du gazon ou me fumer une clope, tu vois ce que je veux dire ? Y a pas de rapport, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais si je veux faire du gazon et me fumer une clope, je suis obligé d'aller au Colorado. Alors que sur Jupiter, ces mecs-là, tu sais ce qu'ils font ? Ils mangent le crack, ils le mangent, mais c'est des fous, c'est des malades. Non, il y a un truc à faire, vraiment. Il faut absolument absolutionner, tu vois ce que je veux dire ? La condition humaine. La condition, ouais, carrément, à condition que la bite, tu vois, et la chatte aussi, et le cul, un peu peut-être entre les deux, mais tout à la fois en même temps, mais tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu me dis qu'il n'y a pas de rapport, c'est vrai que la condition humaine ne devrait pas être rapportialisée en fonction de quelque chose. Non, c'est vrai, c'est pas en rapport qu'on devrait faire les choses en fonction de quelque chose. C'est pas en rapport en fonction de quelque chose qu'il faudrait les faire les choses en fonction de rapport du quelque chose, je veux dire. Ah, tu vois ce que je veux dire ? C'est tout clair là. Ouais, tout ouais. Suite, non, c'est plutôt que les plutoniens, les jupitériens et les martiens, ils nous emmerdent. Parce que c'est des sales, ils sont sales, ils sentent mauvais. Ils sentent mauvais, faut le dire, ils font du bruit, ils puent et ils ont des sales gueules. Non, mais franchement, ils sont laids quoi. Les plutoniens, les martiens et les jupitériens, je les encule, ok ? Et s'ils m'entendent, qu'ils viennent, je les nique, tous et toutes, je les nique, ok ? D'accord, ça c'est compris. La terre aux terriens, ok ? La terre aux terriens, ok ? Et c'est ça le message. Le message, c'est la force, l'unité, la force. Mais est-ce que la force et l'unité, vous comprenez ? Est-ce que tu entends la force comme une dominance ? Oui, ou bien sûr. Ou est-ce que plutôt tu es associé à... Oui, associé, bien sûr. Ah, tu es associé. Tu comprends ? Oui, bien sûr. La dominance, l'association. L'association et la dominance. Oui. Ah, oui. Oui, évidemment. Mais bien sûr. Tu mets le doigt sur quelque chose. Oui. Oui. Oui. Tu mets le doigt sur quelque chose de très profond en moi. En notre être à tous, je crois. En fait, c'est pas une condition humaine, c'est une condition inhumaine. Vous comprenez la nuance ? C'est ça la souffrance. Et c'est pour ça que je vote FN. Je vote FN parce que je suis un fils de pute. Je suis un enculé, quoi. Je suis un fils de Ruth. Je veux dire, le fils de Ruth, c'est pas rien, quoi. Mon père, c'est une pute. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a un rapport, quelque part. On dirait qu'il y en a pas, mais en fait, c'est vrai, quoi, je veux dire. Il n'y en a pas. Vous comprenez ? Je croyais qu'il était communiste, ton père. Non, mais c'est l'ancien père. J'étais adopté par un père facho aussi un jour. Parce qu'il a changé. Tu sais, les gens changent un jour. C'est ça l'évolution. D'accord. C'est vers le meilleur, quoi. C'est vers le sarkozisme, quoi. Il a changé de mœurs. Il a changé de meurtre, ouais. Il a décidé de meurtrier son fils. Parce que son fils, c'est un facho. Il faut le savoir. Son fils, c'est un facho. Pourquoi ? Parce que lui, il veut pas du fric. Ce fils-là, il veut pas du fric. Il veut pas du fric et du fric. Ce fils-là, il veut pas du fric. Donc c'est un facho, ok ? D'accord ? Bon, alors, ce sujet est traité maintenant. Parlons des jupitériens et des martiens et des caucasiens aussi. Je pense qu'on a besoin d'eux, parce que ça dit, c'est un rapport de domination, tu vois. Ouais, de dominance carrément, entre la bite et la chatte et le cul. On disait ça tout à l'heure. La bite, la chatte et le cul, si vous vous souvenez bien, monsieur le Macron, vous souvenez donc à l'instance que actuellement, il y avait toujours une présentielle dominance, donc comme on disait, domination en fait, oui, du sexe sur finalement on peut dire l'inhibition, quoi. Voilà. Donc il y a une domination de, du sexe sur l'inhibition, comme je disais actuellement. En fait, l'inhibition est dominée par le sexe, en fait. Vous voyez, l'inhibition est, comment dire, dominée par le sexe, en fait. Vous voyez, le sexe, c'est la conscience de l'être à sa finalité, c'est celle de mourir dans l'espérance, enfin j'ai envie de dire dans la réalisation d'une sempiternelle, oui bien sempiternelle, réalisation des choses. D'un bon vouloir. Oui, de bon vouloir, de bon vouloir. C'est horrible, je sais c'est horrible, bon vouloir, mais c'est horrible de renouvellement de la situation donnée, qui est celle de la condition inhumaine, de la condition humaine, celle de la souffrance. Oui. On se retrouve à repenser du vouloir qui évolue en fonction du temps et de l'association des idées face à la politisation du contexte. Excuse-moi, je vais faire un Larsen. Mais proportionnellement à ce contexte-là, nous pouvons retrouver une tangentialité de la situation sociopolitique qui engendre un certain enjeu, je voulais dire, à la fois sociologique et politique. Je dirais même plus, irréactionnel, irréactionnel, une tendance irréactionnelle de la société actuelle. C'est justement ce que, c'est ce que je voulais dire, c'est incroyable, vous pointez le doigt sur quelque chose qui est vraiment fascinant. Mais oui, mon cher. Oui, mais pour évoluer sur une réaction optionnelle et même profonde, il faut faire une introspection. J'aime beaucoup D'accord, l'introspection, ça marche. Je trouve que le terme est adéquat à la situation. Oui. C'est transcendantal. Santé, évidemment. Transcendantalien. Et. Oui, tout à fait, oui. À ce moment-là, on réagit face aux émotions personnelles et toujours on se retrouve et on continue. Oui, dans l'inaction, oui, et les pleurs, tous les pleurs, les pleurs intérieurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Les larmes intérieures, oui, c'est celles qui sont internes qui se voient pas, celles qui souffrent le plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on se tait. Le mus ? On se tait. Mus. C'est ça. C'est l'humus rectal. Toujours le mucus rectal, le fameux, la fameuse flore. Vous savez, la flore, la belle, les fleurs et tout la beauté. Vous rappelez tous ces choses, quoi. De ce cours de philosophie romaine face à l'humus. L'humus. Et le mucus, on oublie souvent le mucus. Non, l'humus, c'est une histoire magnifique. Le mucus rectal est tout aussi magnifique. Excusez-moi, je me permets de vous faire remarquer quand même, messieurs, dames, que l'humus et le mucus sont quand même liés d'une certaine façon, quoi, d'une façon certaine, je veux dire. Excusez-moi, mais les capacités culinaires de faire du humus ou du humus gastrique ne sont pas mucus gastrique, l'humus, en tout cas, ce ne sont pas les mêmes dimensions, c'est des choses qui sont... stimulus, c'est mucus, c'est muki et c'est humi, comme le pli, et oui, le pli en fait c'est un stimulus, c'est ça, en fait on en vient là, quoi, toute la réaction sempiternelle, je veux dire, et sabordanelle, c'est vrai que tout ce qui rappelle la merde, tout ce qui rappelle la merde est finalement la vie, car la mort, la mort, c'est la vie. La mort, c'est la vie. La vie de la mort, justement. Mais à force de mourir, j'ai senti la vie qui s'agitait au fond de moi. Et à vivre cette douleur qui me meurtrit tout à coup. Et à coup régulier, je m'en retrouve âme et corps déperdus. Je me suis senti envolé dans un nouveau vaisseau incompris, mais continue un vaisseau de la sueur de mon cœur. Constitué et en même temps. Un vaisseau de direction Massagel. Compétent. Celui qui dès que je n'étais droit froid. Droit vers toi pour être que la somme de conséquences. Mais je ne suis que conséquence de mes actes. Conséquence. Et la conférence de Edouard. Nous avons une spéciale dédicace en direct de Massagel avec un bonjour de Laetitia Bonne. The asshole. Just about the asshole. Laetitia, si tu nous écoutes, nous avons une dédicace. It's full of shit, you know. The asshole. It's just full of it, you know. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. You gotta realize. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. Hello. A battle of crabs. It's all about the crackheading. The asshole and the crackheading. Ouais, c'est un peu flou dans ma mémoire. Je me rappelle des jambes qui volaient. It melts away. Et des bras. Ah ouais. Et des gémissements. Ah, Laetitia. It's all going down, motherfuckers. It's all going down. Laetitia, entends-tu cette dédicace? Dédicace. In your house. It's all going down today. It's all going down to pits, man. And we're all gonna fuck the asshole fuckingness in the asshole fuck. Because the fucking fuck fucks the fuck a fuck fuck and a fuck a fuck. That's fatality right there. Yeah, that's what we're talking about. And like, what the fuck? Are you fucking fuck a fuck a fuck fuck? Like fuck a fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck. And I got something to say, you know? I got something to say. Fuck you! Yeah, fuck me, yeah, that's what I'm talking about. Like just fuck me, you know? You know, you just gotta understand. Yeah, fuck me. You gotta understand, more. You know. Oh, more. Yeah, fuck me. Yeah. Yeah, fuck me. Yeah, that's what I'm talking about right there. That's what I'm talking about, you know. It's fucking like, fucking asshole. Oh, yeah. Yeah, it's like, fucking you don't. Asshole. You don't know me, do you? You know. It's like it's never going down ever. It's never gonna, it's never gonna like go it. Down, you know. You, yeah, man. It's always a fucking shire. A fucking motherfucker, you know. I'm a fucking the motherfucker. Big Worcester, okay? You like my Worcester, right? Yeah, fuck my Worcester. I don't give a fuck, you know. Oh yeah, the Shukrut. You like the Shukrut, the Worcester, yeah. Yeah, and the fucking motherfucking, you know. That's what I'm talking about. So like, you know, you gotta understand, you know. It's not like it's the point or anything. It's just the fuck fact. You. The fact is, I fucked myself. Fuck I don't need you. I don't need you to fuck yeah, me. Yeah, exactly. Fuck you. You don't need me. So I'm fucking you need myself. Who okay. You need? Masturbation is wonderful, but yeah. Fuck you. No, go I'm to fucking. Masturbate I'm, yourself. I'm fucking my brains. Fucking homosexual. Yeah. Out. Fucking man. I'm fucking my brains out the whole fucking time. You know. Yeah, and that's it's just, it. Yeah, good. I'm so you're fucked right. Up that I can't even remember what I took to get so fucked up on. You know. Yeah, it's you know, picking I'm, rich. It's I'm amazing. Not, I'm not on it, you know, and I don't give a fuck anymore. That's what I'm talking about, okay? Because you fuck this fucking up, asshole. Fuck. You know what yeah. I say is that this fucking bienvenue shit sur is not Canal fucking I don't understand the relation. FM. I fucking... Ou Canal Sud.net. I don't give a fuck. Fucking fuck a fuck fuck. Fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck. Fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck pas de dédicace à Canal Sud. Canal Sud est une radio fasciste et on ne fait pas de dédicace sur cette radio, ok? Ça se calme maintenant. Là, vous vous calmez un peu. C'est bon, hein. J'en ai rien à foutre de votre pote. J'en ai rien à foutre. It's amazing. No, speaking English. Don't step on my hedge. Ce qui veut, ce qui signifie en français, ne marche pas sur ma haie. Ne marche pas sur ma haie. Ok, mec. Et sur ton gazon tout tondu, on a le droit. T'as pas intérêt à rentrer sur mon gazon, c'est ma propriété, ok. Tu ne marches pas sur ma haie, ok. Ou en anglais, okay, ça fait get off my land. Yeah, get off or I'll shoot you down. Get off my land or I'll fill you full of rock salt right here. Non, yes, that non, is. Non, lead, lead. Du plomb dans les fesses, ok. Il nous faut du plomb dans les fesses. Alors je me suis proposé un truc, c'est que le saturnisme, c'est une connerie. Donc je me suis fait un godemiché en plomb. Et je me suis foutu dans le cul. Et je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, c'est ok pratique. Je ne suis pas fou. C'est pratique. Ça évite les frottements. Wu-Tang. Wu-Tang. Un godemiché ceinture. Wu-Tang. Et à chaque fois, Wu-Tang. On me cite un truc. Wu-Tang. Mais je suis pas d'accord. Parce que Shaolin. Shaolin. Et un godemiché en apesanteur. Shaolin. Shaolin. Shaolin. Ah, tu dis plus rien là maintenant. Non, il se masturbe. Il se masturbe. Yeah. Attends. Non, je peux rigoler, je rigole. Si, si, ça la tourbe. Je plaisante à mort. Je plaisante à mort. Je rigole. On parlait de masturbation, ouais. Ça c'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée, ça, masturbation, ouais. Oui, veuillez c'est... tourner les regards vers le mur là-bas, s'il vous plaît. Je vais me masturber. Non, ils m'ont pas cru, quoi. J'oserais jamais, j'oserais jamais. Bah, peut... se dépêche, non, mais en c'est fait, un le pire, peu c'est lourd. Ça là. Se masturbe en plus, hein. Ouais. Ça se masturbe. Non mais on va pas t'attendre non plus, hein, ça dure trop longtemps ce genre de truc. Ouais, t'inquiète, je suis rapide. J'ai plus l'âge de perdre mon temps. Ah ok, j'avoue, j'avoue. Il est vrai que le temps n'appartient qu'à ceux qui ont mérité le temps à se tendre. Tout ça à la fois, ouais. Tout ça à la fois. À se tendre le skik. On peut en parler, hein, regarde, c'est, toi c'est le micro rouge. Tu commences à saigner des narines. D'avoir masturbé. Oui. Il y a des effets secondaires. Ouais, on dirait, ouais. Trop grosse pour rentrer. C'est sévère. Dans ses narines. Est-ce que beaucoup de personnes ont envie d'urupter ce soir? Non, j'ai une petite envie d'uriner, donc je vais vous laisser pendant 30 secondes. Je reviens. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit, ça. Ouais, t'as compris ma blague. Je suis trop marrant. Comment te dire? C'est quoi ce rire? Ça s'appelle la ferme des animaux. C'est comme ma bite. Bon. C'est comme la saga de la famille. Il n'y a jamais de fin. Les enfants sont contents, il n'y a plus le professeur, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc ils parlent, ils continuent leur discours sans fin, afin de convaincre des convaincus. Ils courent dans les rues. Ils font... T'aimes bien avaler. La cochon qui avale. On a entendu ton téléphone hurler. Comme aussi, ta maman. Tu as bien avalé des téléphones. Because they look like very human. When I see my brothers and sisters, t'as bien entendu. I see pinks in their eyes. I have a very bad action. But when I see my brothers and sisters, I see pigs. I see big pigs. And when I look at pigs, split I see humans. The highway of scum. Human beings. That leads the way to the sanitarium, sucking every second of my soul, seduced into sedation, seduced into sedation, seduced into sedation. Seduced into sedation. I wanna die. I wanna die. I wanna die. I wanna die. I wanna die. I wanna die. I wanna die. Comme ça, petit. Quand j'étais petit, I wanna die. I wanna die. I wanna die. Il s'est masturbé sur un cheval. J'aimais beaucoup le cheval. J'aime beaucoup le cheval. Ce jour-là, qui faisait très beau. Et un jour, le cheval éricté, et moi j'aime beaucoup cela, car il avait une très longue queue, différente de la mienne. C'est vrai que c'était un cheval. Une queue de Chewbacca. C'est vrai que c'était un cheval. Sucking every second of my soul, seduced into sedation. I wanna die, It's worse. You are alive, but you are brainless. It's worse. I'm brain dead. I'm a brain dead. But you are alive. Brain dead. That's me. I'm brain dead. And I fucked myself in the ass. Nous avons un zombie à ma gauche. Peut-être qu'un zombie veut peut-être son zombie. Voir un mort revend. Les zombies sont doués de parole aujourd'hui. Vampire. Vampire. Merde, un zombie. Sors le fusil à pompe. Bute-le. Écrase-le. C'est massacre de zombies actuellement. A bullet in your head. Non, je trouve que c'est déplacé quoi. C'est vachement violent quoi. Bullet in the head, ça veut dire une balle dans la tête. A bullet in your head. Tu peux pas dire ça comme ça, c'est A dégueulasse. A bullet in your fucking head. Non, parce qu'on a dit que des gentillesses jusqu'à maintenant. T'as in fait pleurer. Your fucking head. T'as fait pleurer ton pote. You bullet in your fucking head. A bullet in your head. Ouais, vous dites que de la merde en fait les gars, c'est votre faute, c'est pas la mienne. J'y peux rien, moi si vous êtes vraiment de la merde quoi, vous êtes de la merde humaine, c'est pas ma faute, c'est pas la mienne. Ok. Ouais, il faut tous les buter, t'as raison. Tous les buter. Alors, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut me sucer actuellement. D'accord. Tu suces ? cigarette. Il y a quelqu'un qui veut me sucer pour que je lui passe une cigarette. Non, suce pour plaisir, je veux bien te sucer, ouais, si tu veux, absolument, je te suce, moi. Enfin, si tu veux bien, quoi, je veux dire. Pour arriver à faire ce genre de choses. Non, mais tu avais fait un geste qui est assez explicite. Si quelqu'un me demande. Bah oui, je suis en train de triturer les trous de balles, c'est pour que justement tu me laisses te sucer, quoi. Ah mais merde, il y a entre nous là. Ouh baby. Baby baby. Ouh. C'est vachement sexuel l'émission ce soir. Bon, il semblerait que personne ne suce ici hein, malheureusement. Si je t'assure que je suce. Peut-être nos auditrices. peut-être nos auditeurs aussi. Vous pouvez téléphoner. Nos auditeurs peuvent téléphoner au 05 61 53 36 95. Les auditeurs qui sucent peuvent téléphoner quoi. Voilà, nous sommes ouverts à tout genre de propositions, propositions fellationales. Fellationnel acrobatical. Sachez que vous sucez fut un temps et que à sucer il faut mieux au présent. Chose, sachez que sucer n'est pas trompé, donc vous pouvez toujours venir quoi, messieurs, n'hésitez pas, 05 61 53 36 95 40 rue Alfred Duméril. Nous sommes à peu près 6 hommes, 6 mâles avec des sexes turgescents qui attendons qu'une seule chose, c'est qu'on nous fellationne. Merci. Bon, pas de dédicace ce soir, donc on va couvrir un peu de bruit, avec du bruit, quoi. On va faire semblant qu'on fait une émission sérieuse ici. Alors, les enfants, vous allez tout de suite vous calmer. Je voudrais vous parler de la coalition entre les Allemands et les Français en 1947. Oui, c'est vrai. En 1949, il restait encore de la collaboration entre les Allemands et les Français. Il n'était pas turlubiteur, mais d'une coalition vraiment parfaite. Évitons de me considérer comme radoteur face à l'ivresse qui m'envahit petit à petit comme un petit nid d'éturgeon ou d'autres oiseaux ou poissons, peu importe la forme d'évolution qui est admettre leur considération face à l'immensité que la divinité et la politisation des idées peuvent concevoir sur un immondice qui est notre conceptualisation en elle-même. Monsieur Oui, je vous écoute. Est-ce que si on prend en compte la situation de empirique de votre proposition, est-ce que ça engendre tout une conflit de situation interne inexplicable? Oui, je comprends très bien ton problème, ma petite. Évidemment, le conflit interne n'est rien à voir avec ta chatte, mais a une proportionnalité face au concept moral et non pas au concept sociologique comme peut le faire valoir certains confrères dans l'idéologisme de la génétique ou de la plutôt l'hygiène. Monsieur Oui, je vous écoute. J'ai envie de vous. Alors, le vouloir et l'envie. Je préférerais que vous ayez vouloir de moi. J'en ai envie. Que envie. Le désir. Le désir anal. Je me suis pissé dessus. Il s'empare de moi. Avec ton jingle là, je me suis pissé dessus quoi. J'ai cru que c'était Noël avant l'heure. Jingle wear, c'est pas ma faute. Jingle wear. Oh what would it say? Fuck me Australian, oh, fuck me good. Just fucking fuck. Fuck. Yeah. Fuck. I like your dick. I like your skate. Fuck. Avoir une divinité, on aimerait vachement avoir une famille. Vietnam, une famille autour de nous. Korea, une dignité, ça va pas, mec? Tu déprimes? Hein. Tu veux une dignité, tu veux une famille, mais t'es ouf, quoi. T'as cramé, quoi. Liberté, égalité, c'est pour les nazes. Hey, je te chie dessus, toi, le mec, ouais, là-bas derrière. Va te faire foutre, je suis un fasciste. Hey, et alors, dans l'aquarium, je t'encule, là, je suis un fasciste, ok? Je t'encule, ok. Me cherche pas, d'accord. D'accord, okay. Je te cherche pas. J'ai vu qui t'es. J'ai écrit un texte. J'ai écrit un texte, d'accord. Dignité, famille. J'ai écrit un texte, tu vois. Oh, tu vas où là? T'es un sale facho. Je me suis dit, je vais à la radio. T'es un sale facho. J'arrive pas les mains vides, tu vois. Voilà, dignité, famille, quoi. Fasciste. Et tu me sors dignité, famille, quoi. Et tu vas pas me dire que je suis arrivé les mains vides. T'es un macro, quoi. Est-ce que tu confirmes? T'es un macro. Est-ce que tu confirmes que je ne suis point arrivé avec les mains vides? Mais j'ai pas vu tes mains arriver. Ne frappe pas la table comme ça, tu me fais mal. C'est moi que tu frappes quand tu frappes la table, tu le sais pourtant. Macro, oui, mais macro, tu aimes ça. Au puissant, non, macro. Mais tu me déprimes à force de vouloir des. Vas-y, déprime un coup. Si tu veux déprimer, vas-y. C'est toi qui déprimais, tu parlais de famille, tu veux dignité, famille. Si, dignité, famille. Patrination. Patrination, quoi d'autre? C'est pas déprime. Travail, labor, c'est ça? Tu veux le labeur aussi en plus? Mais j'y peux rien, t'es né un beurre, mec. Moi, je suis né blanc, tu sais. C'est pas parce que je suis blanc qu'il faut t'en prendre à moi, tu sais. C'est pas parce que t'es beurre que je vais m'en prendre à toi. Non, le labeur, c'est pas ça le labeur en fait. Chacun sa mère. Ça n'a rien à voir. Oui, ok. Mais j'encule. Ouais. J'encule ta peau. Ok. Tu vois. Ouais. J'encule ta peau, quoi. Cool. Tu vois. Je suis un gros porc. Ouais, chacun c'est cool. Sa merde. Ça c'est bien. Ça va. Comment ça, c'est bien? Non, tu me parles de dignité et de famille. Non, moi je te dis non. Tu vois. Non, tu me parles d'enculer ma peau. D'accord. Ça va. Tu vois. Tu peux continuer maintenant. Je t'autorise. Tu ne comprends point. C'est moi qui cotise, ok? C'est moi qui cotise ici. Alors tu vas faire ce que je te dis maintenant. Tu sais que tu parles de merde. T'es pas obligé d'avoir l'intellect assez développé pour pouvoir conceptualiser toutes les formes d'action qui peuvent être idéalisées par rapport à des êtres utopiques. Non. Non, t'es pas d'accord avec moi, c'est ça? Tu dis non parce que t'es pas d'accord avec moi. En fait, j'avais conceptualisé ton idéalisation de ton intellect. Avant même que t'aies fini ta phrase. Et je savais où tu voulais en venir. Et toi, oui. T'as dit non. Non, c'est pas un ni oui ni non ici, ok? Non. Alors, tu dis non. Non. Ou tu dis oui. Non. Mais tu dis pas non, tu sais. Ok? Non. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ok? Non. On dirait ma petite cousine, la meuf, elle veut pas jouer avec moi. Elle me dit que non, c'est pas non. Oui, c'est pas ouais. Quelle et tout ça. Mais quelle pouffe! Quelle pouffe! Grosse salope! Je vais la niquer un jour, tu vois. Alors t'as pas intérêt à me faire chier, ok? Est-ce que je peux venir avec toi? Non. Arrête! Vas-y, s'il te plaît! S'il te plaît! J'aurais essayé! Vas-y, s'il te plaît! Non, je suis un sale raciste! Vas-y, s'il te plaît! Non, je suis un sale raciste! Oh! Mais vas-y, Je suis fier et digne de l'être! Népiophile! C'est ma famille! Ma famille, c'est des racistes! Quoi. Ouais! S'il te plaît! Vas-y, s'il te plaît! Fuck la népiophilie! Fuck la népiophilie! Fuck la népiophilie! Les népiophiles, c'est pour les népiophiles! Respectables! Monsieur! Ceux ne sont pas des pédophiles! Moi j'ai envie de bonbons! Ce sont des népiophiles! Monsieur! J'aime bien les bonbons! Monsieur, j'ai envie de ne toi! Ce sont pas moi j'ai envie des de bonbons! Gens détestables! Est-ce que moi j'ai envie de bonbons et toi t'as envie de moi? Est-ce que on peut aller faire un tour dans ta voiture? Les pédophiles pervers et pernicieux! Elle est belle ta voiture! Népiophiles! Sont des gens respectables. J'ai tout ce que tu veux. Répugnant. Si tu veux quoi? Tu veux des sneakers? T'aimes quoi? J'aime des pédophiles. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes les arlequins? Ah, tu aimes les arlequins? Ah, mais j'ai plein de beaux arlequins pour toi dans mon petit camionnette. Allez, viens voir derrière. Mais oui, monsieur, vous allez voir, il y a plein de belles choses dans la camionnette de Popol. Viens voir ici. Vous Vous allez voir, il y a plein de choses incroyables à voir derrière dans mon siège arrière. Je vais t'amener aux cieux, je vais de 7e pays paradis. Tu vas visiter les limites qu'aurait pu entreprendre ton esprit. Et oui, mon petit, bien monté derrière le camion de petit bis là, vous allez voir que je vous ramènerai jusqu'au paradis des confiseries des spermophiles. Non plus. Le spermophile dans sa situation. Ça y est, vous dites plus rien. C'est ça la mort. J'en parlais tout à l'heure, la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est à ce moment-là précisément où je me dis, la mort, c'est pas quelque chose de mort en fait, c'est quelque chose de bien. Parce que je suis un comment on dit ça déjà? C'est évolutionnaire, t'es darwiniste. Non, en fait je suis une merde quoi. Parce que je suis une merde, et ben je me dis que la vie c'est de la merde et que la mort c'est bien, tu vois. Et donc je me dis que si je meurs, peut-être que je vivrai tard après, tu vois, et que je serai content en fait. Et donc c'est pour ça que je me dis que la mort c'est bien, et donc la mort c'est la vie, parce que la vie c'est la mort, parce que la mort c'est mieux que la vie, tu vois ce que je veux dire? Moi je suis plus darwiniste, je crois qu'on va crever parce qu'on est le plus faible. Ouais, d'accord. C'est la chaîne alimentaire. Ah ouais, les chiens alimentaires, ouais. Moi le premier. Ah ouais, je veux être le dernier quoi, sur la chaîne alimentaire, je veux être le mec qu'on bouffe. Je veux être le mec qu'on bouffe par désespoir, le rat, tu sais, le rat. T'as vraiment rien à bouffer, tu bouffes un mec quoi, tu bouffes Al. C'est vrai que quand je te vois, tu es un peu à l'état de plancton. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, t'es un peu une baleine en fait. Tu vois ce que je veux dire? Toi et moi, on est comme le baleine, la baleine et le plancton quoi en fait. Le baleine et la plancton quoi. C'est quelque chose de beau en fait. On a déjà piché sur un micro. Oui, bonsoir. C'est la mort. Oui. Bah tiens. Mais nous voilà. Vous attendions. Oh, enfin. Enfin, on se voit. Oui. Je t'attendais avec tellement longtemps. Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu es tellement en retard? Attends, laisse-moi parler. Je suis venu en fait pour vous dire que vous me saoulez. Vous me saoulez en parlant de moi, en disant oh, la mort, oh, je veux mourir, oh, je veux mourir. Oh, je n'ai marre, moi. Oh, je n'ai marre de tous ces lamentations inutiles. Tous ces lamentations. Putain, merde, c'est moi qui décide quand c'est que je crève, j'ai plus de pouvoir. Tous que ces toi. Amants ou de tous ces lamentations? Lamentations ou tous ces amants quoi. Lamentations, ouais. Moi j'ai plus de pouvoir que la mort. C'est moi qui décide quand. Ouais, mais ça c'est ta bite qui parle. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, regarde, tu vas voir Max. Parce qu'en fait, ça fonctionne les lamants. Parce que ta bite, elle donne la mort à ta meuf. Parce que quand elle jouit, elle devient active. Alors que le reste du temps, elle est passive. Genre, stéréotype à mort, tu vois. Et c'est pour ça que ta bite, elle parle en disant je veux te donner la mort. En fait, elle lui donne la vie parce qu'elle devient active. Mais en fait, c'est bien la mort en effet, oui, que tu lui donnes. Mais c'est ça l'orgasme. En quelque sorte, c'est Priap, c'est un espèce de dieu. C'est-à-dire qu'il peut donner la mort autant qu'il peut donner la vie, non? Oui, en effet, puisque le sexe, mort, c'est ça? Oui, puisque le sexe, en effet, donne la vie par la reproduction sexuée et en plus donne la mort par l'orgasme. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Exactement. C'est ça. On est d'accord. La mort de l'âme. C'est pour ça que nous, les hommes, n'arrivons jamais à donner la masturbation d'orgasme aux femmes. De l'âme. C'est parce que vrai. Nous avons peur de les tuer. Et pourquoi est-ce que vous non, êtes parti dans ce... Non, c'est parce qu'on a peur de mourir, en fait. Pourquoi est-ce que vous êtes parti dans cette discussion, là? Parce qu'il y avait une meuf qui parlait au micro, là? Non, c'est vous parce pas que... des gros fascistes, là? Si, carrément, hein? Carrément, je suis ou un gros fasciste. C'est moi qui est fatigué, là, parce que non. Je vois une grosse lutte. Non, t'es pas fasciste, du tout, t'es pas fatigué non plus, hein. Je te coupe, c'est tout. Ah non, m'a coupé. C'est tout en fait, tu vois, c'est tout, c'est toi le facho, quoi. Oui, t'as raison, c'est vrai. Donc je te coupe le micro, c'est ça. Donc les fachos contre les fachos, tu vois, c'est mort aux fachos, quoi. Ah, il est dégoûté, il se barre et tout. Il vient me frapper, je l'ai déjà vu faire, il va me frapper. Arrête, non, me frappe pas. Me frappe pas, s'il te plaît. Arrête de me frapper. Dans les fesses, oui. Nous interrompons momentanément cette émission suppose de faits divers, c'est-à-dire qu'un chien est mort hier soir et puis il y a... Yeah, spermophiliac. Let's talk about spermophiliacs. Spermophiliacs. Spermophiliacs, yeah, spermophiliacs. Oh, the spermophiliasm. Les spermophiles. La spermophilie, oui, c'est ça, la spermophilie. Exactement. Exactement, c'est ça que je voulais parler de ça ce soir. C'était important pour moi. Tu sais, même la cyprinophilie, je sais pas, moi. Il faut parler de quelque chose, quoi. Regularly of our daily strife. Redundant, redundant, redundant, redundant. Redundancy. Redundancy is a cyclical event which comes and goes as it came and went. It's an event composed essentially of redundance. Redundance. Redundance. Redundance. Wake. Redundance. Rise like a sullen drake. Johnny Lee Hooker drones in your head, but you can't quite just get out of bed. Your keys are under the couch, just right where you left them. Rise. Dead. Press the button. Press the button. Press the button. To the end. Press the button to the end. Press the press button. The button. Press the button to the press end. Press the button to the end. Press the button to the end. Press the button. The end of the whole shit, motherfuckers. Press the button. You're not gonna get it. You're press not gonna understand. You're not expected press to understand. We don't expect you to understand. You cannot understand anything. Vous ne pouvez rien comprendre à la folie. Normal qu'on comprend ce qu'on veut. Mais c'est tellement plus facile de comprendre ce qu'on veut. J'aime quand on veut pas comprendre, on comprend pas. Et c'est ça qu'on veut pas comprendre. Mais j'ai compris. J'ai compris ce que je voulais, justement. Et c'est moi qui veux pas. J'adore. Je veux c'est pas un comprendre. Monde de bonheur, je comprends tout, du coup. Et moi, je veux pas. Je suis Dieu, je comprends. Je m'encule. Je comprends ce que je veux. Je vois les choses comme je les veux. Je me et fionte. Et j'y crois. Et j'adore ça. Fionté. Et ça me fascine. Fionté. Ça me fascine d'écouter moi-même. Fionté. Et de me regarder dans le miroir, j'adore. Fion. J'y reste pendant des heures, ça me Fion. Fait plaisir. Ouais. Je suis tellement beau. Ouais. Et je dis des choses tellement intelligentes. Et je m'embrasse aussi des fois, dans la nuit noire. Je baise le miroir. je me mets à poil et moi, à minuit et, moi, et je me frotte et moi, contre mon miroir et moi tous encore. Les soirs. Et toujours moi. Moi. Je veux. Encore. Je veux. Encore. Je veux encore. Encore, je veux, et j'ai maintenant, j'ai, et c'est à moi, mon précieux trésor. Ça m'est donné, ça m'est dû, c'est à moi, et j'en veux ce que je veux, et donc, je le touche où ce que je veux. T'as cru quoi? Qui c'est qui peut me retirer à ce droit? Vous vous êtes pris pour qui? Vous avez vu qui c'est ici? Quand je veux. Je fais ce que je veux. Merde. Avec mes deux yeux bleus. Je fais ce que je veux. Ouais. Mort de mieux. Diantre. Fichtre. Dieu. Je fais ce que je veux avec mes deux yeux bleus. Regardé tout au fond de tes yeux et j'ai vu un millier de regards braqués sur moi. J'ai senti des crochets s'enfoncer au fond de mes poignets, puis des ficelles me secouer dans tous les sens, telle une marionnette animée par une force machiavélique. J'ai senti que je n'étais plus maître de moi, et tous ces yeux braqués sur moi, ma vie n'était plus que le reflet d'un cristal à mille facettes. Et perdu dans tout ça, j'étais secoué de mille et une émotions. Les sentiments. C'est ça la mort. C'est comme la mort. C'est ça la mort. C'est la mort. C'est ça la mort. La mort, c'est ça la vie. Ça pue. And there's something about nothing that attracts me, you know? It's like nothing is something to me. It's something I love. I love nothing. I love non-being. I love not to be. I love non-myself. Non-self. Non-selfish, egocentric, fucking egocentric, motherfucking selfish, and motherfucking, I would say, like belly button-y, you know, nombrilist, you know, nombrilist, you know, that's what I'm talking about, you know, and well, that's what I'm talking when I'm saying that. Fucking, you know, I say fuck when I say like nombrilist, ça veut dire fuck, fuck ça veut dire nombrilist, parce que quand je pense nombrilist, je pense fuck, ok? Nombrilist, c'est fuck. When I think nombrilist, I think to my mother. And to your mother. Fixant l'orifice où jadis se trouvait le cordon ombilical, elle se demande où peut bien être passée celle-ci depuis les 30 ans de son existence. Elle hésite à retourner de là où elle est venue. Mais ses doigts deviennent un défilé digital traînant la masse de son corps jusqu'à la suite de ses péripéties. Pérégrination. Oui, pérégrination. Nous sommes en tribulation. Pérégrination, tribulation, voyage intérieur ad infinitum. À ne jamais trouver la solution car il n'y a pas de problème. Merde. Y'a que des emmerdes, ouais. Et le flot de la vie qui coule inlassablement, perpétuellement, régulièrement, et chiant. Redondant, gavant, éblouissant, chiant. Tes paroles redondantes. Gondre. Revenant. Rétrospectivement. méchant. Historiquement. Oh, de la nouveauté. Alors, est-ce méchant. Que la rétrospective historique compte à quelque chose? Je ne pense que non, mais je pense qu'il y a une seule chose qui compte actuellement. Oui. C'est la question qu'on se pose à tous. Oui, je peux vrai. Mesurer à ton débit de parole la quantité de whisky que tu as bu. Exactement. C'est non. exactement et ça. Débitons, débitons, mesurons le débit, oui. Monsieur A, monsieur le A. Le débit de l'eau, le débit de là. Monsieur hein? A, qu'est-ce qui compte? Il n'y a plus qu'est-ce de whisky. Qu'est-ce qui compte? Malheureusement. Vous disiez qu'il comptasse quelque chose. Que quelque chose comptasse. Nous comptissons Ben, une pétasse. Non, pas comptation, tu sais. Pas comptation, putain. Un contentieux bah, non, ça non passe. Plus. Mais ça peut déjà aller mieux. Au moins, ça rime avec mieux contentieux, tu vois. Non, c'est mon bien, c'est mon bien. Non, c'était nul, ça, c'est sûr. Ah, c'est vraiment nul, chier. Tu fais de la merde. Et, ouais, mais je fais tout le temps de la merde. Mais là il faut que je trouve un truc, là. Et je sais pas, tu vois. Écoute, on peut demander à lui. On est trop fort pour toi. Il est pas de votre parole, ce mec. Mais je peux prendre la parole pour lui, si vous voulez. Tu sens les regards, Brad. Comment il s'appelle? Il s'appelle Sam Barton. Nah, ouais, vas-y, ouais, continue. Je l'écoute toujours. En même temps, on a pas le droit de faire de la pub à la radio. Quoi, de la pub? Mais tu parles de qui? Tu parles d'un mec, là? Tu ouais. parles de Sam Barton. Ouais, je parle de Monsieur Sam Barton. Monsieur Barton. Ce n'est pas une publicité. Ok, d'accord, il n'y a pas de pub là-dedans. Tu vois, on parle de Monsieur Barton Sam. Tu vois pas de quelle pub on va parler. Voilà, tout à fait. Voilà, on est d'accord. D'ailleurs, nous appelons. Non, un non, certain... on peut faire de la pub, mais sans argent. Monsieur sans Barton, on peut pas faire Monsieur, de pub. Monsieur Sam ouais, mais Barton. Si on gagne pas d'argent, c'est non, un peu idiot. C'est de la pub quand même. C'est de la pub clandestine. Monsieur Sam Barton est appelé à l'accueil. Bon, si tu veux, je te mets un billet dans la poche. Non. Ça marche pas aussi. Et donc la question est, la question qui reste toujours, la question qui revient, qui reste autour de la lampe, telle des mouches qui tournent, qui revient tellement que autour ça de devient la merde. Trop, hein et, autour de la merde, et on autour a tellement merde, tourné autour qu'il n'y a plus rien à dire, donc tout va en autre, voilà, et autour où, de Max, voilà, autour de Max, mais où autour va-t-on, de Max. Où va-t-on, pouvez-vous répondre à cette question, mais à cette que a-t-il foutu depuis les 29-5 ans de son existence. Non, mais vous oubliez à répondre à la question intrinsèque. Il de s'est demandé quel âge il avait. 30. La question intrinsèque de l'homme, c'est qui on est. Tu crois où qu'à 5 ans, il pensait déjà. Mais qui on est, on s'en fout. L'important, c'est où va-t-on. Je pense qu'il s'amusait. C'est la question d'être ou avoir. Ouais, il ne pensait où pas. Où va-t-on dans quel ça vient plus tard. Parce que qui on est, on s'en fout. Va-t'en, on s'en fout. Oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison, on s'en fout, c'est bien ça. N'importe où, voyons. C'est vrai. Ok, je suis d'accord. Mais oui, mais dans ton cul, en fait. Vas-y, mon cuillère. On va, on y va tous, on va faire allez. La fête. Allez. Allez, un bon fête. Il y a même bon Sam cul. Barton qui vient avec nous. Et oui, on va faire soirée. Vous pouvez appeler le 06 machin bidule truc chouette. Et vous pouvez contacter, oui, on a fait, mon ami fait la fête dans son cul. Alors si vous voulez faire la fête, alors venez tous parce qu'il y est là. Vous pouvez le rejoindre dans son cul. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à lui. Dans son cul toute la journée. Dans son cul toute la journée, dans son cul tout le siècle. C'est du grand art. Dans son cul toute l'année. Du grand art. Je bave. Amoré. Dans son cul toute la journée. Dans son cul toute la journée. Dans son cul, dans son cul, dans son cul. ensemble depuis toute la journée. Elle s'éclaire. C'est en quelque sorte le pouvoir, le contrôle de l'élément qui est incontrôlable. L'audimat. L'élément qui est indéfini. L'audimat. Que nous ne pouvons pas saisir. L'audimat. Que nous ne pouvons pas contrôler. L'audimat. Nous sommes dépendants de quelqu'un supérieur pour nous le recommander. Calmez-vous. L'audimat. Oui. Audimat, mon cul. Il faut que je me calme. Je dialyse les dialectes et les multitudes d'atmosphérisation des idéalismes, optualisasté par les gens qui ne savent plus parler à le... Monsieur. Tabagisme passeur et que l'arrêt ne s'arrête monsieur. Oui. Est-ce que oui. Oui ma queue racine. Oui. Ma queue où? Est-ce qu'elle est disparue? Dans ta bouche? Non, non. Je sais plus quoi dire, je suis trop gênée. Oui, ne sois pas gênée, quoi. Je suis vraiment très timide, tu sais. Ah, maintenant tu me tutoies. Excusez-moi, monsieur, je me trompe parfois. Oui, mais à trompe et genèse... Inutile d'associer... Mais je le veux. Dans ta bouche. Ma bite. Comment ça? Je sais pas, vous comment savez... Ça, ma bite. Non mais comment ça, ma bite dans sa bouche? J'ai jamais essayé, non plus. Mais de quelle manière est-ce que tu l'imagines? Je sais pas, mais je l'ai essayé beaucoup de fois. Ton god que tu as caché dans ton tiroir? Vas-y, tu vas y arriver. Des fois. Il faut palper l'imagination. Des fois. Palper la coronesse. Je pense à toi. Près des lèvres. À moi ou à vous? Ça me fait rêver. L'imagination fait du bien. Ça permet d'oublier la souffrance. Oui, c'est vrai. Que cause... Le monde est une souffrance. Et nous sommes tous ensemble, mes frères et sœurs, pour assimiler cette souffrance et en faire notre force. La friction de Farid en moi aussi est une souffrance. Farid, je ne connais pas, je ne connais que le macro. Le saint macro. C'est une souffrance quotidienne. Macro au-dessus de toutes les maquerelles et de toutes les macrotistes. Et les macrotes. Arrête, tu me donnes faim là. Grand macro de tous, je te prie à genoux. Fais péter. Macro. De nous faire des rillettes. Macro. Macro le grand. Macro. Mac. Le Mac. Salut Mac. Mac. Le grand Mac. Mac. Macro. Je t'aime pas. T'es qu'une merde. Va faire enculer Macro. J'encule mon fion. Macro. Éternel dans toutes ses formes. L'obsolète obsession de la nature humaine qui dévise Yeah. fuck off! Fuck! What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? When you come and start singing like that, what the fuck? What's in your fucking head, man? What, like, you crazy or something? J'aurais voulu être cantatrice pour chanter à l'eau. Ça me ferait une douce soirée. Allô? Oui. Allô? C'est qui au téléphone? Allô? Oui, oui. Allô? Allô? Je vous entends. Oh, mais il y en a marre que des gens ils m'appellent comme ça, mais grosse merde. Attends. Allô? Oui, oui, je vous mais entends. Mais tu sais pas taper un numéro de téléphone, bien. Bordel? Mais, merde, mais tu me réponds pas. Là, comment tu me parles? Mais comme tu restes là, au cours oh, comme ça, moi, j'en ai marre, moi. Mais c'est quoi ça? J'en ai marre, c'est la cinquième fois que ça m'arrive et dans le mois, mais franchement, moi, ça complète. Ça commence à me gaver, là, mais vas-y. Tu m'appelles comme de ça la au pensée, milieu de la nuit, je sais même pas qui t'es, et tu commences à raconter et bah, des conneries, et puis blah, tu me réveilles, et puis, et moi alors, hein, t'as pensé à moi dans l'histoire, mais tu t'es pris pour qui, ça, là? Et vas-y, rends-moi X, ça, X, là. Vous êtes sur Sam Fabio. Moi, je te l'ai piqué ta bière en mode téléphonie, tu vois. Bienvenue sur Sam Fabio, vous êtes sur 100x.xx. X, X, X, X, X, X, X, X, X, X. Active téléphone et maison. Pornographie. Est-ce que les extraterrestres ont le droit de filer ou pas? Pornographie. Le mur rouge semble être chaud. Pornographie. Moi, t'es sûr que c'est une rouge chaude. Pornographie. Chaude, très chaude. Pornographie. Pornographie. T'es sec. Pornographie. Sec, t'es sec. Pornographie. Sec, t'es sec. Pornographie. X, X, X, X, X, X, X. Je voudrais vous annoncer que vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. L'émission que vous écoutez actuellement, c'est l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Téléphone de Canal Sud à l'antenne, c'est le 05 61 53 36 95. Le site de Canal Sud, c'est le www.canalsud.net. L'adresse, c'est le 40 rue Alfred Duméril au 31400 Toulouse, France. Malvenus. Monde, univers. Vous êtes les malvenus. Voie lactée et Andromède pour les êtres venus d'ailleurs. Malvenus mais bien à l'aise. Mal à l'aise, vous êtes les mal à l'aise. Les mals à l'aise. Non, à ce point-là, je dois dire que ça va. Il faut pas le dire, c'est un secret. C'est le secret intrinsèque de la condition inhumaine. Il ne faut pas le dire, c'est un secret. C'est la conséquence de l'ennui, ouais. Le dire, le secret, la conséquence de l'ennui, oui. La vie est un ennui. On cherche tout le temps à se divertir, à l'ennui, faire des expériences nouvelles. L'ennui est ancré. Moi, je cherche sans cesse des expériences nouvelles. Ancré. Ça, c'est une... C'est pour ça que je suis venu à Canal Sud, pour faire des expériences nouvelles. Dans des expériences cul. De... Dans ma chatte. Non, ta chatte est unique, moi je cherche des expériences de groupe. dans mon cul. Tout seul, tu ne me suffis pas. Dans ma chatte. Des expériences à plusieurs. Dans mon cul. Des expériences. Ta chatte est en cul, ça commence à devenir intéressant. Des expériences. Les deux sont en cul. Des expériences que tu veux dans ta chatte. Des expériences. Des expériences à. Des expériences à plusieurs, quoi. Plusieurs. Dans mon cul. Vous écoutez Canal Sud. Canal Sud, c'est une radio libre. Une radio libre, c'est une association de la loi 1901 à but non lucratif. Les émissions productrices sont donc cotisantes pour ce droit. L'émission nuisance, c'est toutes les heures entre 21h et 23h tous les vendredis. L'émission nuisance, self-sodomie, automutilation et merde. Nous croyons en la merde de la vie. Que cela soit dit.